There are seven benefits the Buddha taught. When we practice Vipassana meditation according to the four foundations of mindfulness, Kaya, Nupassana, mindfulness on the body, Vedana Nupassana, mindfulness on the feelings, Citta Nupassana, mindfulness on the consciousness, Dhamma Nupassana, mindfulness on the Dhamma. These are four foundations of mindfulness. Le Bouddha nous dit qu'il y a sept bénéfices à la pratique de Vipassana selon les quatre établissements de l'attention. Si nous pratiquons les quatre établissements de l'attention, nous pouvons espérer obtenir sept bénéfices. Les quatre établissements pour l'attention sont Kayanupassana, l'attention au corps, Vedananupassana, l'attention aux sensations, Cittanupassana, l'attention à l'esprit, et Dhammanupassana, l'attention aux objets mentaux. Ce sont donc là les quatre établissements pour l'attention. Hier, je vous ai expliqué le premier des sept bénéfices, la purification des êtres. Nous pouvons obtenir la purification des êtres si nous pratiquons les quatre satipatthana. Aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième bénéfice, la victoire sur le chagrin et les lamentations. Sokha est un mot pali qui veut dire chagrin. Parideva est un mot pali qui veut dire lamentation. Le chagrin et les lamentations sont des sensations mentales. Nous ne vivons pas seuls, nous vivons en société. Nous avons une famille, nous avons des parents, nous avons des enfants, il y a le mari, il y a l'épouse, il y a les amis. Toutes ces personnes font donc partie de notre entourage proche et nous sommes attachés à toutes ces personnes. Nous aimerions pouvoir vivre longtemps heureux avec tous ces gens. Mais un jour, nous devrons mourir, ou eux devront mourir. Et si la mort se présente, c'est le chagrin qui va forcément suivre. Le chagrin, la tristesse, c'est donc une sensation mentale. Plus l'attachement à ces personnes est grand, plus nous souffrons. Sans la méditation, il n'est pas facile de comprendre la nature de la vie. Et si on ne comprend pas la nature de la vie, on sera amené à devoir souffrir beaucoup. La pratique de la méditation vipassana est le meilleur moyen pour arriver à remporter la victoire sur le chagrin et les lamentations. Comme vous le savez, lorsqu'on pratique samatha, la méditation samatha, on demande de ne noter qu'un seul objet, le va-et-vient du souffle, les inspirations et les expirations. Mais lorsqu'on pratique vipassana, le principe c'est de noter tout ce qui se manifeste à chaque instant dans le corps et dans l'esprit. Donc si la tristesse se manifeste dans l'esprit, le méditant vipassana doit noter tristesse, tristesse. Il note la tristesse telle qu'elle se manifeste. Si son attention est développée, il verra que cette tristesse apparaît pour disparaître l'instant d'après. Plus il est attentif, mieux il voit les apparitions et disparitions. C'est de cette façon qu'il va surmonter la tristesse. Si on ne pratique ni vipassana ni samatha, on ne sait pas comment surmonter le chagrin et les lamentations. Tout simplement parce qu'on pense que cela ne nous arrivera jamais. Comme on pense que cela ne nous arrivera jamais, on vit insouciant, sans se préoccuper de ces choses. Si on ne pratique ni vipassana ni samatha, mais qu'on a une certaine connaissance du Dhamma, une connaissance qui nous vient soit par la lecture, soit de la tradition, il sera possible de surmonter un petit peu le chagrin et les lamentations. Mais vipassana est le seul moyen pour y arriver complètement. Vipassana est le seul chemin, nous dit le Bouddha, pour atteindre la victoire sur le chagrin et les lamentations. Il est donc possible qu'à un moment ou à un autre, nous soyons séparés des personnes que nous aimons, de nos amis. Parfois, nous serons séparés de nos biens, nous perdrons nos biens. Si ces biens nous étaient très précieux, la tristesse sera d'autant plus grande. La pratique de la méditation vipassana est donc le seul chemin pour remporter la victoire sur le chagrin et les lamentations. Parfois, il s'agira de la maladie. Tant que nous sommes en bonne santé, nous ne pensons pas qu'un jour il est possible que nous tombions malades. Et donc, nous vivons de nouveau insouciants et nous n'avons pas peur, nous n'avons pas d'inquiétude. Mais lorsque la maladie survient, c'est la peur, l'inquiétude qui se manifeste. La méditation vipassana peut alors nous aider à remporter la victoire sur le chagrin et les lamentations. Le Bouddha nous dit que nous ne savons pas de quelle maladie nous allons souffrir. Tant que nous sommes en bonne santé, nous ne nous en soucions pas. Mais si nous sommes en bonne santé en ce moment, nous devons en profiter et nous dire que c'est le moment de pratiquer les quatre établissements pour l'attention. Nous devons essayer d'appliquer correctement les instructions, de les suivre le mieux possible. Hier, je vous ai parlé de l'effort que le yogi devait fournir pour essayer d'être attentif à tout ce qui se manifeste par les six portes sensorielles. Le yogi doit noter avec attention et précision tout ce qui se manifeste, que ce soit par l'oreille, par l'œil, par le nez, par la bouche, par le corps ou par l'esprit. Mais il n'est pas possible de noter tous ces contacts sensoriels dès le début. C'est la raison pour laquelle on se choisit un objet primaire d'attention. L'objet primaire d'attention sera l'abdomen. Lorsque le yogi inspire, l'abdomen se soulève. Lorsqu'il expire, l'abdomen s'abaisse. Ces deux mouvements, soulèvement et abaissement de l'abdomen, sont donc l'objet primaire d'attention. Il est possible que le yogi ne voit pas clairement le mouvement dans l'abdomen. Il peut alors prendre des respirations complètes. Une respiration complète, ce n'est pas la même chose qu'une respiration profonde. Essayez simplement de respirer de façon complète. Vous pourrez alors sentir clairement le mouvement dans l'abdomen. Essayez de noter alors ce mouvement le plus possible et sans interruption. Dès que vous aurez réussi à noter l'objet primaire avec précision, votre esprit sera devenu concentré. L'esprit concentré peut tout noter facilement. Il se souvient facilement des expériences passées, et donc toutes sortes d'émotions vont surgir dans l'esprit. Si la tristesse se manifeste dans votre esprit à propos d'une expérience passée, vous devez donc noter cette tristesse. Vous verrez alors qu'elle disparaît. Mais tout ceci va prendre un certain temps. Au début, vous n'y arriverez probablement pas facilement. Mais plus l'esprit qui note se développe, mieux le méditant est en mesure de voir que tout disparaît. C'est donc pour cette raison qu'il est très important d'apprendre à noter avec énergie. Si nous ne savons pas noter tristesse, au moment où la tristesse se manifeste en nous, cette émotion va devenir très forte et elle va même provoquer des pleurs. Mais si nous réussissons à noter tristesse au moment où l'émotion est en nous, il n'y aura pas de pleurs. C'est pour cette raison que le Bouddha a parlé de la victoire du chagrin et des lamentations comme deuxième bénéfice de la pratique de Satipatthana. La disparition de la souffrance physique et de la souffrance mentale, c'est encore un autre bénéfice. Nous sommes faits de cinq agrégats, autrement dit, nous avons un corps et un esprit. Il n'est donc pas possible d'échapper à la souffrance. Parfois, il y aura des maux de tête, parfois ce seront des souffrances mentales, comme le chagrin par exemple. Lorsqu'on pratique Vipassana, on sera donc amené à expérimenter toutes sortes de sensations douloureuses. En faisant un effort pour être attentif sans interruption, nous essayons de surmonter ces sensations douloureuses. Parfois, nous sommes capables d'observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et subitement, une sensation désagréable se manifeste, que ce soit dans le corps ou dans l'esprit. Nous travaillons avec détermination et essayons donc de rester immobiles, sans bouger, pour comprendre la véritable nature de ces choses. Le méditant va donc expérimenter toutes sortes de sensations désagréables au cours de sa pratique. C'est de cette façon qu'il s'entraîne. Ceci est donc la meilleure chose à faire avant de tomber malade. S'entraîner à Vipassana. Par la pratique de Vipassana, nous serons amenés à expérimenter toutes sortes de sensations désagréables. Nous allons apprendre petit à petit à les gérer correctement. Si nous sommes très attentifs, que nous faisons un effort pour rester toujours vigilants, nous comprendrons comment il faut s'y prendre pour surmonter la sensation désagréable. Un esprit très sensible et qui de plus ne fournit pas beaucoup d'efforts, n'a pas beaucoup de patience face aux sensations désagréables, aura beaucoup de difficultés à les surmonter. Mais si le yogi fait un effort et travaille avec détermination, il verra que la sensation désagréable disparaît, même s'il ne change pas de posture. Il est donc très important de travailler avec détermination, car cela va nous permettre de comprendre que la sensation désagréable non seulement disparaît, mais qu'elle n'existe même pas. De cette façon, la confiance va se manifester en nous. Par la pratique de Vipassana, il est donc possible de surmonter les sensations désagréables, toutes ces sensations qui se manifestent, que ce soit dans le corps ou dans l'esprit. Mais il faut pour cela pratiquer avec énergie. Ainsi, lorsque nous tomberons malades, nous saurons comment gérer les sensations désagréables, comment les surmonter. J'ai été invitée à me rendre à l'hôpital pour psalmodier les écritures auprès de patients qui étaient très malades. On m'a expliqué qu'on donnait à ces patients des injections pour éviter la souffrance. Leur esprit était donc devenu très faible, ils étaient inconscients et ils n'étaient plus en mesure de noter quoi que ce soit. Dans ce cas, il n'est pas possible de reprendre naissance dans les plans supérieurs, les sugati, tout simplement parce que l'esprit est très faible et inconscient de se souvenir de quoi que ce soit. Le méditant ne se souviendra pas des actions positives qu'il a faites, il ne se souviendra pas non plus des actions négatives qu'il a faites au cours de sa vie, puisque son esprit est inconscient. Selon le Bouddha, le dernier moment de la vie est très important. Le Bouddha nous dit que personne ne sait où il reprendra naissance. Mais si nous nous souvenons au moment de la mort de toutes les actions positives que nous avons faites au cours de notre vie, nous allons nous sentir heureux en mourant. Notre esprit sera frais et paisible, car il se souviendra des actions positives passées, comme par exemple le respect des préceptes moraux, la générosité, la méditation qu'il a pratiquée. Tout ceci aura pour conséquence que son esprit ne sera pas inquiet, qu'il n'y aura aucune anxiété. Si l'esprit est stable, il est possible de reprendre naissance dans les plans supérieurs. Mais un esprit qui est inconscient au moment de la mort est incapable de se souvenir des actions positives, et il est dès lors impossible de reprendre naissance dans les sugati. C'est pour toutes ces raisons qu'une fois de plus, la pratique des quatre établissements de l'attention, les quatre satipatthana, sont la meilleure voie. Si nous nous entraînons à la pratique de la méditation vipassana, notre esprit va mûrir, il va devenir stable, et nous deviendrons capables d'accepter la nature des choses, d'accepter les lois de la nature. Si nous avons un corps, forcément, ce corps devra vieillir, tomber malade et mourir. Nous comprenons donc la nature des choses. Même le Bouddha a dû subir ces choses. Il a atteint l'omniscience, mais il a cependant dû tomber malade et mourir. nous comprenons donc la nature des choses, nous comprenons que la seule chose à faire, c'est de pratiquer la méditation Satipatthana de façon à stabiliser notre esprit. De nouveau, c'est pour toutes ces raisons que le Bouddha nous dit que la pratique de Satipatthana, les quatre établissements de l'attention, sont la seule voie pour surmonter le chagrin, faire disparaître la souffrance physique et la souffrance mentale. Un autre bénéfice de la pratique de Satipatthana, c'est l'atteinte du noble chemin et du noble fruit. Si nous pratiquons les quatre établissements de l'attention, il est possible que nous atteignions Ariyamagga, Ariyaphala, Jnana. L'être ordinaire n'est pas en mesure d'expérimenter ni Ariyamagga, Jnana, ni Ariyaphala, Jnana, parce que son esprit est constamment pollué, il n'est pas clair. Il est encombré par les pollutions mentales, les kilesas. Ces kilesas vont donc polluer son esprit. À cause de cela, il est incapable de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Autrement dit, il est incapable de voir Anicca, Dukkha et Anatta. L'être ordinaire ne dispose pas de l'œil de sagesse. Mais par la pratique de Vipassana, nous essayons de purifier notre esprit. En posture assise, nous essayons de noter du mieux que nous le pouvons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, nous essayons de générer notre attention en notant constamment. Dès que cette attention aura été construite, nous allons être attentifs à toutes les activités, tous les mouvements que nous serons amenés à faire tout au long de la journée. Nous allons appliquer cette attention développée pendant la marche, pendant les activités quotidiennes, et nous ne noterons pas que les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, nous noterons tous les contacts sensoriels qui se manifestent par l'une ou l'autre des six portes sensorielles. Nous serons alors en mesure d'accepter l'enseignement du Bouddha. Autrement dit, nous serons en mesure d'accepter que tout change à chaque instant, c'est Anicca. À cause de ce changement constant, nous expérimentons la souffrance, c'est Dukkha. Et nous verrons également que tout cela est anatta, qu'il n'y a pas d'ego qui gouverne ces choses. Nous comprendrons alors clairement par nous-mêmes l'enseignement du Bouddha. Il y a parmi les qualités du Dhamma une qualité qui s'appelle ehipassika, ce qui veut dire « venez et pratiquez vous-même ». Le Bouddha nous dit « j'ai moi-même compris, j'ai vu les choses telles qu'elles sont réellement ». Mais cette compréhension ne m'appartient pas à moi tout seul. Vous aussi, vous pouvez réussir à comprendre si vous pratiquez. Si vous pratiquez avec attention et que vous appliquez correctement les instructions, vous serez en mesure de comprendre par vous-même. Vous comprendrez Anicca, Dukkha et Anatta. Comprendre ces trois caractéristiques des phénomènes, c'est la compréhension, c'est la sagesse. Dès le moment où vous aurez développé la sagesse, vous deviendrez capable d'atteindre Ariyamagga Jnana et Ariyaphala Jnana. Le dernier bénéfice de la pratique de Vipassana, c'est la réalisation de Nibbana. Nibbana, c'est l'absence totale d'impureté dans l'esprit, c'est la paix éternelle. Lorsqu'on pratique Vipassana, il est donc possible de comprendre en quoi consiste réellement Nibbana. Tels sont donc les bénéfices de la pratique de Satipatthana. Si nous savons en quoi consistent ces bénéfices, nous serons encouragés à pratiquer de façon assidue en fournissant un effort. C'est pour cela que le Bouddha a parlé d'abord des bénéfices qu'amène la pratique. C'est pour que le méditant soit encouragé à faire un effort, à pratiquer de façon diligente et avec ardeur. Vous savez tous maintenant qu'il n'est pas facile de méditer. La posture assise est difficile, ce n'est pas facile de rester assis une heure sans bouger. La marche attentive est également très difficile. Mais nous devons faire de notre mieux, pratiquer avec respect et attention. Nous aurons alors l'énergie mentale. Une fois que nous aurons l'énergie mentale, nous ne voudrons plus arrêter la pratique. That's enough for today. May you be